Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez cestfou.ca. On s'appelle et on déjeune. Une présentation du service aux étudiants de l'UQTR. C'est très geek, c'est très musique geek, ça, comme combat. C'est mon iPod plus gros que le tien, puis... Mais le mien, il est rose. Ah, il ouais. Il a juste un soute. C'est ça qui est le fun avec ces iPods-là, c'est que moi, ceux de ma génération... Ben, non, pas de ma génération, moi, c'est un iPod classique, donc j'avais même pas le choix de couleur. C'est noir ou rien. Bref. Maintenant, tu peux avoir un choix, je pense, ils disent un silver, là, qui est un peu couleur argentée. Et ceux de 160 gigs, là, mais bref... C'est très jet set, ça, ouais. Le silver. Ah, j'ai fait tellement le geek là, en fin de semaine. J'étais allé sur YouTube et je regardais des gens donc, qui ouvrent les boîtes, qui regardent le ils viennent d'acheter le produit. Puis là, j'ai regardé à peu près 4 open box de iPod 160 gig. Juste me faire dire qu'il était pareil comme celui que j'avais, mais avec 2-3 différences. Je voulais voir c'est quoi la différence. Ouais, ça, j'avoue que c'est une belle séance de geekness. Ouais, c'est surtout de la procrastination pour faire le travaux, mais bon. Sophie Laforêt, bonjour. Bonjour. Hey, écoute, hier, tu m'as rendu un petit hommage. Ben, en fait, tu as fait une belle présentation. Tous tes chroniqueurs qui sont venus hier à Chérie, m'écoutes-tu? Et donc, si tu vas être là jeudi matin? Tu vas venir ici jeudi? Oui, jeudi, je me lance le défi de me lever comme à 6 heures pour être avec toi de 7 à 9. Ah, ben, c'est à surveiller. Si tu fais ça, ça serait génial. Sinon, c'est pas grave, je vais te prendre n'importe quand. Bien sûr, à n'importe quelle heure que tu vas arriver. Et je vais essayer de te préparer également une petite introduction qui vaut la peine. Bref, je te représente bien. Pour ceux qui voudraient réentendre l'introduction que j'avais faite de toi hier, La balado va être disponible très bientôt. Donc, ça sera à écouter. Oui, ils peuvent écouter la rediffusion de 19h à... Oui, c'est vrai, aujourd'hui. Ben oui, mardi aujourd'hui, de 17h à 19h. 17h à 19h, voilà. 5 à 7, quand même. Et donc, tu viens nous parler d'une découverte musicale, mais avant tout, tu nous parles de l'actualité CD, ce qui vient de sortir dans les bacs. Oui, exactement. Donc, 4 sorties qui attirent mon attention aujourd'hui. Et 4 sorties absolument fantastiques, en tout cas dans mes goûts à moi. La première sortie, c'est le Husky, qui est en fait un produit de l'étiquette Grosse Boîte. J'aime vraiment dire ça, c'est vraiment beau. Un artiste plutôt. Et deuxième album qui s'intitule La Fuite. Il y a déjà 3 extraits disponibles sur son MySpace, le www.myspace.com/le Husky. Sinon, il y a également le projet canadien de l'Ontario, Caribou, qui fait paraître son 3e album Swim, un projet électro-rock, psychédélique, absolument délicieux. J'ai entendu l'album et j'adore vraiment cet album-là. C'est le 3e sous le pseudonyme Caribou parce que l'artiste avant se produisait sous le nom Manitoba. Manitoba, bien qu'il vienne, je le répète, de l'Ontario. Une 3e sortie intéressante aujourd'hui, Plants and Animals, formation montréalaise que j'aime beaucoup. Et leur 2e album s'intitule La La Land. Et c'est ce qui succède au très bon Park Avenue, qui est paru en février 2008, un excellent album. Et finalement, dernière sortie qui attire mon attention aujourd'hui, la formation suédoise de Radio Depth avec leur 3e album, Clinging to a Shame, que j'ai entendu aussi. C'est un très bon album pour ceux qui aiment la musique un peu moins conventionnelle. Ça a une petite touche New Wave. Je sais pas si tu connais le projet Saint-Étienne. Non, aucune idée. C'était un projet des années 80-90 et ça ressemble vraiment à ça sur certaines pièces. Donc, en tout cas, à vous de découvrir. Alors, c'était les 4 sorties intéressantes d'aujourd'hui. Ah, mais c'est bien pour ce qui est de Plants and Animals. Là, je te dirais honnêtement, j'avais... j'étais allé au magasin de disques, j'avais pris le disque, j'avais fait une écoute de Plants and Animals, Park Avenue plutôt. Ouais, bon. Ouais, exact. J'avais écouté ça, j'avais été mitigé, je savais pas si j'aimais ça ou si je trouvais ça ordinaire. Faudrait que je le réécoute éventuellement. Je sais qu'ils l'ont sorti en vinyle, là, puis on l'a ici aussi assez fou. Donc éventuellement, je vais acheter un œil, une oreille là-dessus. Idéalement en vinyle, mais bon, faudrait que je l'achète pour ça. On verra. Puis pourtant, je suis sûr que t'aimerais ça. Mettons que je regarde, mettons tout ce qui a sonorité un peu. C'est, mettons, entre autres Beatles, qui a beaucoup d'influence sur plusieurs groupes. Ouais. Mais aussi, mettons, Off Montreal, des trucs comme ça. Oui, c'est ça. Les voix sont assez aiguës. Mais c'est pour ça que j'avais donné un coup d'oreille à l'album, mais c'est ça, j'avais pas été convaincu, en fait, la journée que j'ai écouté. Tu t'es pas blessé? Non, je me suis pas blessé, c'est pas si pire. C'est rare que je me blesse. Juste avec les albums de Céline Dion, habituellement, que je deviens sourd pendant une couple de jours. Ah, ah, ah. Pauvre Céline. Aujourd'hui, oui, on parle d'une formation que j'ai découverte vendredi dernier lors du feu de forêt dans le désert qui avait lieu à l'appart comme à tous les troisièmes vendredis de chaque mois. Et oui. Donc, si bon, peut-être pour juste préciser, la série de concerts feu de forêt dans le désert s'est organisée par les deux jeunes hommes qui se cachent derrière l'étiquette de disque Arabin Silla. Donc, Louis-Alexandre Beauregard et Philippe Allary qui organisent ces soirées qui sont vraiment excellentes pour ceux qui aiment la musique alternative. C'est à ne pas manquer. Et donc, vendredi dernier, c'était le feu de forêt numéro 6. Une soirée qui combinait trois formations, Waving Hand, Intensive Care et Torn Gat. Donc, aujourd'hui, je vous parle de Intensive Care que je ne connaissais pas. Avant d'en parler, on va entendre une première pièce pour vous donner l'eau à l'oreille. Pas l'eau à la bouche, mais bien l'eau à l'oreille. L'eau à l'oreille. On va entendre la pièce Another You, tirée de leur album Fantasy, Fairy Tale from the Island. Fairy Tale from the Island. Est-ce que tu vas nous parler de la pochette également quand on va revenir? Oui, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai hésité en nommant le titre de la pochette parce que c'est pas indiqué sur la pochette. C'est dans un sac brun avec un petit dessin bleu et c'était estampé. Je sais pas si tu te souviens comment. Un peu comme il faisait dans le temps avec la cire d'une chandelle. Un seau en cire. Voilà. Donc, on entend la pièce Another You et on reparle de la pochette après. Très bien. Donc, on s'en va entendre ça dès maintenant. Ben, ça joue déjà dès maintenant dans vos oreilles. Sur les ondes de C'est Fou 89 FM, c'est Stéréotonine avec Sophie Laforêt. C'était la formation Intensive Care avec la pièce Another You, tirée de leur album Fairy Tales from the Island. Et c'est une formation, comme je le mentionnais avant l'écoute, qui était de passage à Trois-Rivières dans le cadre du Feu de forêt dans le désert qui avait lieu à la Galerie d'art L'Aparte sur la rue Saint-Antoine au centre-ville. Et c'est trop tard pour moi, ça. Vendredi soir, là. Mais écoute, cette semaine, pour vrai, c'était pas si mal parce que, contrairement à d'autres semaines, ça a commencé plus tôt. Les tests de son étaient faits, tout était installé. Quand je suis arrivée vers 9h30, ça a commencé. Donc, ouais, c'est mais toi, quand en même... plus, tu restes en avant de ça, tu restes dans ce coin-là, là. Tu restes dans le quartier Saint-Philippe, ça? Ouais, c'est ça, je suis pas très loin. Ouais. Mais bon. Bref, tout ça pour dire que c'était pas très tard. Ben bon, ça a quand même fini à 1h du matin, mais bon, faut aimer la musique. Puis en fait, le dernier groupe, Torn Gat, était à voir absolument. Moi, je suis restée, là, mais... Généralement, une fois qu'on est dans l'ambiance, là, c'est difficile de sortir de là. Ça se passe bien, ouais, ouais. Une fois rendu, on est content d'être là. Ouais. Pour revenir à la formation Intensive Care, c'est une formation montréalaise et leur album Fairy Tales from the Island est paru en février. Et donc, c'est leur premier album, un album qui est très bien réalisé avec de beaux arrangements. Ils se décrivent comme une formation progressive, pop, psychédélique. J'ajouterai à ça des petites sonorités. Et là, tenez-vous bien, moi qui connais pas le métal, mais tu sais, un petit côté mélodique, justement, qui pourrait être tiré du métal un peu comme la formation Muse le fait. Ouais. Parce que, petit côté musique classique, je sais pas, mais... Moi, je, non, mais je comprends ce que tu veux dire. Ouais, ben, tantôt, tu parlais d'Off Montreal, justement. Puis Off Montreal, d'ailleurs, est allé vivre en Norvège pendant peut-être un an ou deux. Et là-bas, c'est la mecque du black metal et du gros metal, donc avec grand déploiement. Justement, il y a plein de pièces dans l'album qui a suivi, qui est Satanic Panic in the Attic, qui était justement... il y avait des pièces, là, c'était du black metal, mais version pop. Donc, c'est des très beaux mélanges, parfois, qui arrivent avec ça. Mais c'est ça. Puis ce qui est le fun, c'est que... Ben, en fait, moi, je suis pas une fan de métal. Je pense pas nécessairement que c'est ton premier style, ton style préféré. Quand j'étais adolescent, oui. Je n'écoutais que du métal, mais okay. J'ai grandi et j'ai changé d'horizon. Mais donc, c'est intéressant justement de quand même ressentir cette influence-là des fois qu'on écoute d'autres trucs, même si on n'est pas fan du genre nécessairement. Ouais. En tout cas, comme moi, du moins. Et c'est un quatuor composé d'un guitariste qui était vraiment déchaîné vendredi passé. Kiwan mentionnait hier que ça lui faisait penser au guitariste de Jap Androids, qui est une formation indie que je connais pas beaucoup. Qu'il aime bien, d'ailleurs. Oui, qu'il aime bien. Donc, un guitariste qui était vraiment déchaîné. Il y avait un bassiste également, un batteur et claviériste qui est également le chanteur du groupe qui a une très belle voix. Pour ceux qui aiment la formation Grizzly Bear. Et pour ceux qui aiment les ou. Ah ouais. Des trucs comme ça, il y en a beaucoup dans cet album-là. La pièce qu'on va entendre, bon, la pièce qu'on a entendue, il y en avait déjà un peu. Mm-hmm. Je vous conseille d'aller entendre sur leur MySpace, qui est le myspace.com/intensivecareband, d'aller entendre la pièce Tales of Sarah Jane, The Golden Horse. Et là, il y a beaucoup, beaucoup de ou. Beaucoup de ou. Oui, de ou étiré. C'est bien ça. Donc, c'est ma suggestion. Écoute, il y a aussi 5 pièces de leur album en écoute sur MySpace pour ceux qui ont envie de découvrir. Et il y a également une reprise de la pièce 2 Weeks de Grizzly Bear. Donc, quand je dis que la voix ressemble, vous allez encore plus le sentir sur cette reprise-là. Très bien. Et avant d'aller entendre une deuxième pièce de la formation Intensive Care, seulement mentionner 3 dates de spectacle. Ils vont être en Ontario aussi, mais là, je vais vous nommer seulement les dates plus près de nous au Québec. Ouais, parce qu'on n'ira pas en Ontario nécessairement, là. Non, si vous comptez y aller cet été, ben allez visiter leur MySpace. Ah oui? Tentez d'aller les voir en Ontario. Bonne idée. Donc, le 3 juin, ils vont être à la Sala Rossa à Montréal. Le 26 juin, au bar Le Magog à Sherbrooke. Et le 25 juillet, au Divan Orange, toujours à Montréal. Et donc, consultez leur MySpace ou leur site web pour plus de détails concernant leur date de spectacle. Leur site Internet, c'est le www.intensivecareband.com. Et maintenant, on va entendre la pièce... Treasure. Qui est la pièce numéro 10. Très bien. De cet album qui contient 11 pièces, l'album Fairy Tales from the Island. Génial. Donc, merci beaucoup, Sophie Laforêt, d'être venue ce matin nous parler de cette très bonne musique. Et je t'attends jeudi matin à 7h. Oui, je vais m'élever tôt. Très bien. Donc, voilà. Donc, on va aller entendre Treasure d'Intensive Care.